France Inter, le 5-7. Il y a 17 ans, Steve Jobs, le PDG d'Apple, présentait le tout premier smartphone. Et aujourd'hui, on est tous ou presque devenus accros. Alors comment dompter nos écrans? C'est le thème de notre journée spéciale sur France Inter. Et cette question, elle se pose dans toutes les familles. Quelles règles imposer aux enfants pour éviter qu'ils ne restent scotchés à leur téléphone? Et comment les faire respecter? Pas simple, Faustine Calmel a pu le constater dans cette famille lilloise. Avant de débuter l'interview, il faut déjà réunir tout le monde. Et Guillaume, tu viens ou pas ? Ici, il y a les parents, Élise et Julien, les enfants, Elio 15 ans et Ninon, bientôt 11. Mais moi j'ai que comme application Spotify et messages. Et des règles strictes sur les écrans. Un code sur l'ordinateur, on a mis un code sur la télé, j'ai mis un code sur ma tablette. Et sur les téléphones, on a un compte avec un numéro qui permet d'avoir un accord parental sur certaines applications ou pas. Plus un temps de téléphone de 2h45 maximum pour Elio et obligation de remettre l'appareil aux parents à 22h. Tous les soirs, il faut aller le chercher dans sa chambre, lui redire il est 22h, il va nous dire encore 5 minutes, on va lui laisser 5 minutes, il va nous redemander encore 7 minutes. C'est une bataille constante, c'est-à-dire que Elio revient à chaque fois en disant « je ne veux plus de temps d'écran, mes copains ils en ont pas, c'est pas normal ». Donc c'est quelque chose qui est une éternelle remise en question. Le couple a bien essayé de lever toutes les barrières. Elio nous disait, vu que j'ai pas assez d'écran, je consomme tout et j'ai envie de plus. Et donc c'est pour ça qu'on avait laissé effectivement il y a 2 ans en disant ok, on va t'enlever les temps d'écran. Et pareil sur la télé récemment, et en fait on se rend compte que finalement il n'y a plus de limite. Qu'est-ce qui crée finalement ce besoin-là? Est-ce que c'est nous qui avons créé ce besoin-là? Et finalement on se rend compte que de notre point de vue c'est pas ça quoi. Avec ce temps d'écran, j'ai toujours l'impression que quand je suis sur mon téléphone, il y a toujours vous en fait, qui est là pour me contrôler et qui m'empêche de faire certaines choses des fois. Ça s'appelle des règles, hein. Et il y a des règles dans un foyer, et surtout que nous on est les parents, et que donc oui, tu as des règles. L'utilisation des écrans crée donc un conflit permanent, autant sur le temps passé que sur ce qui est visionné. Quand je suis tombée sur des espèces de ventes de bonbons coréens, où ils comprenaient rien, puis d'un coup ça passait à 2 secondes de vidéo de foot, puis 2 secondes après, et là je me suis dit, mais c'est pas possible qu'ils passent des heures à regarder du vide. Conflit de génération, répond Elio. Comparé à tous mes copains et ça, je me sens un peu... différent. Il est le seul de son lycée, assure-t-il, à être ainsi limité. Faustine Calmel pour le reportage Grand Angle dans le cadre de notre journée spéciale Smartphone tous accros. Il y aura des déclinaisons dans quasiment toutes les émissions. Je vous donne un rendez-vous, 8h20, le grand entretien avec des dirigeants de YouTube et de l'application Biril et avec un professeur de psychologie et de neurosciences.